إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد On va continuer, Inch'Allah, les cours sur les principes du takfir. Jusqu'ici, nous avons vu donc la définition de l'islam, de la foi, de la mécréance, du shirk, des fondements de l'islam, des branches de l'islam, de l'apostasie, des conditions de l'islam, des conditions de l'apostasie, pardon. Maintenant, Inch'Allah, nous allons commencer à parler sur... Nous avions vu les conditions d'apostasie, shurut ar-ridda, et nous allons maintenant parler des empêchements d'apostasie, ce qu'on appelle mawani ar-ridda. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on avait dit concernant la définition d'une condition d'apostasie? C'est quoi une condition d'apostasie? Qu'est-ce qu'on veut dire par une condition d'apostasie, ou une condition en général dans ce qui concerne les verdicts? Que ce soit l'apostasie ou les autres. Quelles sont les conditions pour... Qu'est-ce que ça signifie la condition, d'abord? Est-ce que quelqu'un peut répondre, Inch'Allah, à la question? On avait dit, c'est quoi d'abord la définition d'une condition, en général, dans les termes légaux, un shart? Et puis après, on a donné des détails sur les conditions plus particulièrement concernant l'apostasie. Donc, est-ce que quelqu'un peut, Inch'Allah, déjà me dire, me rappeler, c'est quoi une condition d'apostasie? Qu'est-ce qu'on veut dire par une condition d'apostasie? C'est pas grave, Abdurrahman, il y en a d'autres, Inch'Allah, qui étaient là. Abu Marjana nous dit ce qui doit être présent. L'âme, c'est-à-dire le critère ou l'élément, c'est peut-être nécessairement être présent pour que l'apostasie puisse être décrétée. Et si ce critère est absent, cela implique forcément l'absence d'apostasie. Si jamais ce critère n'existe pas chez une personne, ou dans un cas donné, alors il n'y a pas d'apostasie qui peut être prononcée. Est-ce que quelqu'un pourrait me rappeler, Inch'Allah, c'était quoi les conditions qu'on avait citées? Même si c'est pas dans l'ordre, Inch'Allah, c'est pas très grave, mais dans la mesure du possible, les donner dans l'ordre. Parole. Alors l'œuvre ou la parole, c'est plutôt la cause d'apostasie. Maintenant, on parlait plutôt des conditions. Bien qu'il est vrai qu'une des premières conditions d'apostasie, c'est de commettre quelque chose qui soit une apostasie, c'est sûr, mais on parle ici plutôt de ce qui est autre que la cause d'apostasie. Donc on a dit, ah, d'accord, bon, il faut être musulman pour pouvoir apostasier, ça c'est évident. Ça c'est évident, mais ça rentre plutôt dans la définition de l'apostasie. Moi, je vous parle des conditions d'apostasie. C'est vrai que l'apostasie ne peut exister qu'après un islam valable, mais ça, c'est encore l'autre sujet. Là, on parle de vraiment les critères qui doivent être présents pour pouvoir apostasier, pour qu'on puisse dire qu'une personne, il faut être serein. Bon, Marjana nous dit serein. Le fait d'être serein, c'est pas le bon terme, mais c'est plutôt le fait d'être sain d'esprit, d'être conscient. La meilleure expression, c'est le fait d'être conscient. Et le fait d'être inconscient, c'est soit parce qu'on est sous, parce qu'on dort, ou parce qu'on est de folie ou autre. D'accord? Une parole, sans qu'on nous dise une parole claire. C'est ça, donc c'est-à-dire une parole qui signifie clairement quelque chose. C'est pas une parole où on ne sait pas très bien ce qu'a voulu dire la personne, ou une parole qui peut être comprise dans deux sens. Donc effectivement, quoi d'autre encore? Être pubère, c'est-à-dire avoir atteint l'âge de raison, effectivement. Avoir atteint l'âge de raison, effectivement. Abdelrahman 93. Donc, être sain d'esprit, être pubère. Donc, être conscient, être pubère. C'est-à-dire faire ce qu'on fait, donc, intentionnellement. C'est pourquoi il faut être ça, c'est-à-dire. C'est pour ça qu'on dit être conscient de ce qu'on fait. Être conscient de ce qu'on fait. Savoir ce qu'on est en train de faire réellement. Le fait de faire son acte librement et par choix et non pas sous la contrainte. D'accord? Aussi, évidemment, dans les conditions d'apostasie, c'est que l'acte donc soit clair, comme on l'avait dit, ça on l'avait dit. Qu'il y ait un dalil qui prouve que cet acte fasse sortir de l'islam. D'accord? Que cet acte ou cette parole soit une chose qui fasse sortir de l'islam. D'accord? Et aussi parmi les conditions d'apostasie, dans ce qui concerne le fait de confirmer l'incidence, le fait de confirmer ce qui les fait. D'accord? Donc. Donc aussi donc le fait d'être sûr que la personne accusée d'apostasie donc n'est pas accusée à tort mensongèrement ou que ce n'est pas une rumeur ou autre. Donc tout ça ce sont des conditions d'apostasie. Maintenant nous allons voir les empêchements d'apostasie. Dans le droit islamique, l'empêchement en arabe on dit mani', al-mani', c'est-à-dire du verbe mana', c'est-à-dire empêcher. C'est donc en fait on va voir que le manière, c'est exactement le contraire du charte, de la condition. C'est exactement le contraire de la condition. Le manière, c'est le critère dont la présence, écoutez bien, le critère dont la présence empêche la présence d'apostasie, mais dont l'absence ne cause pas forcément la présence ou l'absence d'apostasie. Je vais donner un exemple. Par exemple, un des empêchements d'apostasie, la contrainte. C'est un empêchement d'apostasie. Lorsque la contrainte est présente, alors cela empêche la présence d'apostasie. Mais lorsque la contrainte est absente, ça ne cause pas forcément l'apostasie. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'une personne est libre. Est-ce que toute personne libre est forcément apostat? Est-ce que toute personne libre qui n'est pas sous la contrainte est forcément apostat? Non, évidemment. Hein? Toute personne libre n'est pas forcément apostat. La plupart des musulmans, justement, les musulmans en général sont libres, d'accord? Ils ne sont pas contraints d'être musulmans, ils sont librement musulmans. Donc c'est pas parce que ce sont des personnes libres qui sont forcément apostats, d'accord? Donc une personne contrainte n'est pas forcément, c'est pas parce qu'une personne n'est pas contrainte qu'elle est apostate, forcément. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est quand une personne est contrainte, elle n'est pas apostate. Elle n'est pas apostat. C'est-à-dire que donc c'est ça la définition d'un empêchement. L'empêchement, c'est lorsqu'un empêchement est présent, alors d'office il n'y a pas d'apostasie, mais quand un empêchement est absent, ça ne prouve pas spécialement qu'il y a une apostasie. D'accord? Donc, en règle, on peut dire que les empêchements sont à l'opposé des conditions, les empêchements, les chouroutes. Donc, par conséquent, lorsque toutes les conditions d'apostasie sont réunies, alors c'est que obligatoirement il n'existe aucun empêchement. Et lorsque un empêchement est présent, cela implique fatalement qu'il y a une condition qui manque. Par exemple, lorsqu'une personne est sous la contrainte, ben forcément, il y a une condition qui manque. C'est quoi la condition qui manque? Lorsqu'une personne est sous la contrainte, c'est donc l'existence d'un empêchement. cette existence de cet empêchement, il cause la disparition d'une condition nécessaire au takfir. Quelle est cette condition? La contrainte, c'est le fait donc de d'être forcé à faire ce qu'on fait. Ça s'oppose à quelle condition? Est-ce que vous avez compris ma question? Donc, c'est pas, non, non, Abu Marzana, ce n'est pas le fait d'être serein, ce n'est pas le fait d'être sain d'esprit, c'est pas ça. Lorsqu'on est sous la contrainte, on n'est pas forcément inconscient. Est-ce quand on contraint, quand on met un couteau sous la gorge, on dit dis ça ou sinon je te tue. Est-ce que je suis inconscient ou bien est-ce que je suis conscient? Je suis conscient, d'accord? Je sais ce qui est en train de se passer, je sais ce que je vais dire, d'accord? Donc, ce n'est pas la condition de. Là, on va dire de la. De. Intentionnellement, ce n'est pas intentionnellement, Abu Marjana. Parce qu'intentionnellement, ça veut dire le fait de faire exprès de dire quelque chose. Ou de faire quelque chose. D'accord? Intentionnellement, ça s'oppose à faire quelque chose par accident. Par accident. D'accord? Par exemple, le fait de trébucher avec un Coran dans les mains et par inadvertance, ben, le Coran il tombe dans la boue. Ça, c'est un accident. D'accord? Voilà, Salah nous dit libre de faire, effectivement. Le fait d'être sous la contrainte, ça empêche la présence de la condition de la liberté, du choix. D'accord? C'est une condition d'apostasie de faire son acte librement et par choix. Contrairement, donc celui qui est contraint, forcément, il y a une condition qui disparaît quand on est contraint, c'est celle de du choix. D'accord? Quand on est inconscient, c'est un empêchement qui empêche forcément la présence de la condition qui est être conscient, etc. D'accord? Est-ce que vous avez compris la différence entre les empêchements et les conditions? Donc, cela montre qu'en fait, lorsque une personne commet une apostasie, il n'y a pas besoin de vérifier si toutes les conditions et tous les empêchements sont là. En fait, il suffit juste, si on a la preuve qu'il n'y a aucun empêchement, il n'y a pas besoin d'après regarder dans les conditions, parce que forcément, s'il n'y a aucun empêchement, c'est que toutes les conditions sont là. Et si jamais il y a un empêchement, c'est que forcément il manque une condition. Et si toutes les conditions sont là, ben c'est que forcément il n'y a aucun empêchement. Et les conditions sont l'un à l'opposé de l'autre, cela implique qu'il y a le même genre d'empêchement qu'il y avait de conditions. Donc également les empêchements sont répartis, les empêchements d'apostasie sont répartis en trois catégories. Les empêchements relatifs à l'individu, les empêchements relatifs à l'acte de l'individu, et les empêchements relatifs à la confirmation de l'acte de l'individu. C'est quoi? Premièrement, c'est qu'il soit irresponsable. Le fait qu'une personne soit irresponsable de ses actes, c'est un empêchement du takfir, par exemple. Quand est-ce qu'une personne est irresponsable de ses actes? Quand il est fou, quand il est inconscient, quand c'est un enfant, etc. Un jeune enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de puberté, d'accord? Ou un fou, ou quelqu'un qui est ivre, ou qui est endormi, et tout ça, c'est quelqu'un d'irresponsable. Donc, l'irresponsabilité, c'est un empêchement du takfir. Deuxièmement, c'est l'absence d'intention de l'acte, c'est-à-dire le fait de ne pas faire exprès de faire un acte. Par exemple, l'erreur, l'incompréhension de la soit de l'erreur, soit de l'incompréhension de la signification de ses propos, l'ignorance, par exemple, etc. Soit être contraint sous la menace de mort, par exemple, ou sous la menace de torture, etc. Ça, c'est la contrainte. D'accord, celle-ci est un empêchement du takfir car il empêche la présence de choix et de liberté. Donc ces empêchements se résument en quatre empêchements: l'ignorance, la mauvaise compréhension, l'erreur et la contrainte. Et nous allons voir en détail chacun de ces empêchements, inshallah. Nous allons voir en détail l'ignorance, la mauvaise compréhension, l'erreur et la contrainte. Et ce sera en grosse partie l'un des chapitres les plus importants de ces cours, Inch'Allah. Ce sera les détails de ces empêchements du takfir. Ensuite, les empêchements relatifs à l'acte de l'individu, c'est-à-dire ce qui s'oppose aux conditions de l'acte relatif à l'acte. Donc, les empêchements, ceux qui empêchent le takfir concernant l'acte de l'individu, c'est premièrement lorsque son acte est confus, lorsqu'on ne comprend pas bien le sens de son acte ou de sa parole. Que c'est une parole ou un acte à double sens possible, d'accord? Ça, c'est donc cette confusion, elle empêche de faire son takfir. Quand une personne dit ou fait quelque chose qui est confus, eh bien cette confusion empêche de faire son takfir tant qu'on n'a pas eu une précision ou quelque chose qui nous fait cesser cette confusion et qui nous montre exactement ce que voulait faire ou dire cette personne. Ou alors, un autre empêchement relatif à l'acte, c'est le fait qu'il n'y ait pas de preuve nette et précise indiquant que, donc dans le Coran et la Sunna, indiquant que cet acte est une cause d'apostasie. Ça aussi, c'est un empêchement du takfir. Si jamais une personne fait un acte, mais qu'il n'existe aucune preuve. On va voir Abu Marjana. Donc Abu Marjana nous dit, excuse-moi, ces conditions et ces empêchements, c'est pas dans le shirk akhi. Donc Abu Marjana va voir en détail chacun de ces empêchements et tu verras que la réponse à ta question sera expliquée dans cela. Mais entre parenthèses, quand on avait donné la définition du shirk, on avait déjà bien précisé qu'il n'y a pas d'excuse par ignorance ou de mauvaise compréhension dans le shirk. D'accord? Donc, ensuite, les empêchements relatifs à la confirmation du verdict. Eh bien, par exemple, le fait qu'il n'y ait pas de preuve indiquant que l'individu ait commis une cause d'apostasie, qu'il n'y ait pas de témoin, ou bien que la personne n'avoue pas, que cela provienne d'un menteur ou de quelqu'un qui est connu pour raconter des bobards ou des rumeurs, etc., etc. D'accord? Donc, les points à retenir ici, c'est que les empêchements sont à l'opposé des conditions et que lorsque toutes les conditions sont réunies, c'est que forcément, il n'existe aucun empêchement. Et lorsqu'il y a un empêchement, ben c'est que forcément, ben il manque une condition, forcément. Voilà. Donc maintenant, on va, inshallah, donner des détails sur les empêchements d'apostasie. Et donc, on en vient à ce que demandait Abu Marjana. Il est donc nécessaire donc d'apporter certains détails concernant les limites de l'ignorance, de l'erreur, de la contrainte et de la mauvaise compréhension pour savoir à partir de quand est-ce que c'est réellement l'apostasie. Et il y a une règle cependant qui sera répétée à chacune des définitions, inshallah, c'est que les empêchements et les excuses ne concernent que les musulmans et non pas les idolâtres. Les mushrikoun, eux, ça ne les concerne pas, ce qu'on a parlé des excuses et des empêchements. Ces empêchements, ils ne concernent que les musulmans. Or, c'est quoi un musulman? Abou Marjana, je te laisse répondre à la question. C'est quoi un musulman, Abu Marjana? Je sais que tu saurais la réponse, mais c'est juste pour que tu voyes que, effectivement, ce que je disais, que tu as la réponse à ta question là-dedans. C'est quelqu'un qui, barakallahu fik, et qui adore Allah. Ça, c'est un musulman. Donc, et ça, retenez bien, les empêchements du takfir et les conditions du takfir, ça ne concerne que le musulman, c'est-à-dire celui qui ne fait pas de shirk akbar à la base et qui désavoue le taghout, etc. D'accord? Les excuses et les empêchements et les conditions du takfir et les excuses, ça ne concerne pas celui qui adore un autre qu'Allah, ni celui qui s'allie avec le taghout ou qui soutient le taghout, ni ceux qui donnent un égal à Allah dans son unicité, dans son tawhid, d'accord? Et la preuve que il n'y a aucune excuse, d'accord? Qu'il n'y a que ces excuses et ces empêchements n'ont aucun rapport avec celui qui fait du shirk akbar, c'est le verset où Allah Azza wa Jalla a dit: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sourate 4, verset 48. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un associé, et il pardonne ce qui est moindre que cela à qui il veut. Donc dans ce verset, Allah a donné un jugement général sans aucune exception. D'accord? Il n'y a pas eu d'exception ou de spécification à celui qui est ignorant ou celui qui a mal compris. Et nous allons donner beaucoup plus de détails sur la preuve que ces excuses-là ne concernent pas le mushrik dans les autres, dans ce qui va suivre, inshallah. Mais à la règle générale, cette règle, le fait que le mushrik, il n'a pas d'excuses, que ce soit l'ignorance ou la mauvaise compréhension, c'est ce verset qui dit donc, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un associé. Donner un associé, c'est quoi? C'est un verbe ou bien c'est un individu? Vous allez comprendre, inch'Allah, pourquoi je vous pose cette question. Le fait de donner un associé à Allah, est-ce que c'est un acte ou est-ce que c'est est-ce que c'est un acte ou bien est-ce que c'est une personne? Le fait de donner un associé à Allah, est-ce que c'est un acte ou bien est-ce que c'est une personne? C'est un acte. Abou Marjana nous dit c'est un acte. Ce que je veux dire par là, c'est est-ce qu'Allah Azzawajal, il a dit, Abdelrahman 92, 93 nous dit les deux. J'aimerais bien que tu m'expliques, Abdelrahman, en quoi est-ce que donner un associé est une personne? En quoi est-ce que le verbe donner un associé, est-ce que quelqu'un peut-être, après tu dis donc je ne sais pas. Donc Abdelrahman, ouais mais Abdelrahman 93, je ne sais pas, j'ai dit ça comme ça, excuse-moi, mais ça ce n'est pas comme ça qu'on se comporte envers les textes d'Allah Azzawajal, d'accord? Donc, non, donc Abu Marwana demande les associés peuvent être une personne. Je ne parle pas des associés, les associés. Associés. Non, non, Sarrah. Hein, ce n'est pas du tout le verbe ashraka, c'est un verbe, c'est pas une personne. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Allah Azzawajal, dans ce verset, il a dit, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un associé. Alors je vous pose la question, est-ce qu'Allah Azzawajal a dit, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bi, ou bien est-ce qu'il a dit, Inna Allah la yaghfiru lil mushrik? Est-ce qu'Allah Azzawajal a dit, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un associé, ou bien il a dit, certes, Allah ne pardonne pas à l'associateur? C'est lequel des deux qu'Allah Azzawajal a dit? Est-ce qu'Allah Azzawajal a dit je ne pardonne pas à l'associateur ou je ne pardonne pas qu'on me donne un associé? C'est quoi la différence entre un associateur et le verbe donner un associé? C'est quoi la différence entre les deux? Donner un associé, c'est un verbe et l'associateur, c'est un acteur, c'est quelqu'un qui fait quelque chose. D'accord? L'associateur, c'est celui qui fait quelque chose, et le verbe, c'est l'acte en soi. Maintenant, pourquoi est-ce que moi je vous dis ça? Ceux qui disent, et écoutez bien, vous allez comprendre, ceux qui disent que celui qui fait du shirk par ignorance, il reste musulman. Celui qui fait du shirk, il reste musulman, c'est uniquement le mushrik qui n'est pas pardonné. Le mushrik, c'est uniquement après l'Iqamat al-Hujja qu'on peut dire qu'un musulman, il est mushrik. Vous savez, comme certains disent, c'est uniquement après Iqamat al-Hujja qu'on peut dire que la personne elle est mushrik et que Allah lui pardonne pas, etc. La réponse est qu'Allah Azzawajal, il n'a pas dit je ne pardonne pas au mushrik. Il a dit je ne pardonne pas à celui qui fait l'acte de me donner un associé. D'accord? Allah Azzawajal a dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Il n'a pas dit Inna Allah la yaghfiru lil mushrik. Ça prouve que ce non-pardon, c'est causé par quoi? Par l'acte ou bien par le fait d'être un associateur? C'est pas le fait. Allah Azzawajal n'a pas fait de différence entre un associateur et faire de l'association. Forcément, un associateur a fait de l'association, ça c'est sûr et certain, mais la raison pour laquelle Allah ne pardonne pas, c'est le fait de l'acte de donner un associé. Et l'acte de donner un associé, il existe même quand on est ignorant, d'accord? Celui qui donne des associés à Allah en étant ignorant, ben il a fait ce qu'Allah Azzawajal a. C'est le fait de donner un associé, c'est l'acte, et c'est pour cet acte qu'Allah ne pardonne pas, d'accord? Donc Allah Azzawajal, il n'a pas parlé de, non, je parle uniquement du mushrik à qui la hujja était parvenue. Mais Allah Azzawajal a dit, c'est celui qui me donne un associé, je ne lui pardonne pas, d'accord? Et c'est ça, cette nuance importante, et on détaillera ça plus tard, Inch'Allah. Donc, on va voir. Oui, évidemment, celui qui donne un associé à Allah, c'est forcément un associateur, ça c'est sûr et certain. Mais c'est pas ça que j'ai voulu dire. Bref, on revient donc, Inch'Allah, au. Donc, on va, Inch'Allah, parler maintenant de l'excuse, de l'empêchement du takfir qui est l'ignorance. L'ignorance, al-jahl. L'ignorance est donc un élément qui empêche le musulman de devenir mécréant. C'est-à-dire celui qui n'adore qu'Allah uniquement, s'il ignore quelque chose et qu'il fait quelque chose par ignorance, il ne devient pas mécréant pour ça. On commence à parler de cela, il faut d'abord fermement ancrer dans son esprit que l'ignorance est une excuse qui ne concerne que le musulman, c'est-à-dire le monothéiste, celui qui adore qu'Allah uniquement. et ça ne concerne pas celui qui adore des créatures avec Allah. Donc, l'ignorance n'est une excuse pour le musulman monothéiste qui n'adore qu'Allah uniquement et qui désavoue toute autre religion que la sienne. Mais celui qui adore un autre qu'Allah n'est pas excusé par son ignorance, car Allah azza wa jalla dit: Innallaha la yaghfiru an yushraka bih, comme nous l'avons dit. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un associé, sourate 4, verset 48. Donc, la règle, c'est que l'ignorance est une excuse qui concerne les branches de l'islam. C'est-à-dire les choses qu'on ne peut connaître qu'après que la preuve ne soit parvenue de la part d'un prophète ou quelqu'un qui le transmet de la part du prophète par un informateur fiable. D'accord? Ça, c'est dans ce cas-là que l'ignorance est une excuse. Mais pas en ce qui concerne l'unicité d'Allah Azzawajal dans sa seigneurie et sa divinité. Et pour preuve de cette règle, nous allons, pour ne pas tous en citer, nous allons citer le hadith rapporté par Al-Bukhari, Muslim et également l'imam Ahmed dans son Musnad. Et nous allons rapporter uniquement la version de l'imam Ahmed, donc dans son Musnad, le hadith numéro 7697. D'après Abu Huraira et Abdallah ibn Mas'ud, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Kana rajulun mimman kana qablakum lam ya'mal khayran qattu illa at-tawhid, falamma ihtudira qala li ahlihi unzuru idha ana mittu أن يحرقوه يدعوه أمن ثم أطحنوه ثم ذروه في يوم ريح، فلما مات فعلوا ذلك به، فإذا هو في قبضة الله، فقال الله عز وجل: يا ابن آدم ما حملك على ما فعلت؟ قال: أي ربي من مخافتك. قال: فغفر له بها ولم يعمل خيرا قط الا التوحيد. C'est-à-dire, donc en français, donc d'après Abu Huraira, d'après le prophète alayhi salatu wasalam, et plus d'une personne d'après Al-Hassan ibn Sirin, et d'après le prophète alayhi salatu wasalam, qui a dit: il y avait un homme avant vous qui n'avait fait aucun acte de bien à part, donc lorsqu'il fut sur le point de mourir, il dit à sa famille: lorsque je mourrai, brûle-moi jusqu'à ce que je devienne cendre, puis réduis-le en poudre jusqu'à et jette-la un jour devant. Lorsqu'il mourut, donc un jour où il y a du vent, on jette ses cendres dans le vent, comme ça elle s'éparpille vraiment partout. Et donc lorsqu'il mourut, il firent là le dit: au fils d'Adam, qu'est-ce qui t'a poussé à faire cela? Il dit: c'est la peur de toi, ô Seigneur. Alors Allah lui pardonna, bien qu'il n'avait pas fait un seul acte de bien à part le tawhid. Fin de citation. L'imam al-Bukhari n'a pas rapporté ce hadith avec la partie il n'a pas fait un seul acte de bien sauf le tawhid, mais cette version du hadith authentifiée qui est sahih a été rapportée par l'imam Ahmed dans son Musnad, et elle nous donne une précision pour mieux comprendre le hadith, la version de al-Bukhari et de Muslim. Donc ce hadith nous prouve les choses suivantes. Premièrement, c'est que cet homme qui a demandé qu'on le brûle et qu'on éparpille ses cendres dans le vent, cet homme, est-ce qu'il était mouchrik ou est-ce qu'il était monothéiste? Est-ce que cet homme donnait des associés à Allah ou bien est-ce qu'au contraire il n'adorait qu'Allah uniquement? C'était un monothéiste. Et c'est quoi le dalil? Sur quoi vous basez pour dire qu'il était monothéiste? C'est quoi votre dalil qu'il était monothéiste? Parce que le prophète a dit il n'avait pas fait un seul acte de bien à part le tawhid. C'est-à-dire, le prophète a dit Allah lui pardonna, alors qu'il n'avait pas fait un seul acte de bien à part le tawhid. D'accord? Donc, s'il avait fait du shirk, est-ce qu'il lui serait resté du tawhid? Il ne lui serait pas resté du tawhid, forcément. Donc, premier élément, c'est que cet homme, il était monothéiste. Il pratiquait le tawhid. Et ceci nous prouve aussi ce que nous disions tout à l'heure, c'est que l'excuse par ignorance compte uniquement celui qui pratique le tawhid, le musulman. D'accord? La deuxième chose que nous enseigne ce hadith, est-ce que cet homme Est-ce que cet homme qui a demandé qu'on le brûle, est-ce qu'il croyait vraiment qu'Allah est incapable? Ou bien est-ce qu'il croyait vraiment qu'il était incapable? Mouahid, Muslim 2007, il dit oui. Donc d'après Muslim 2007, cet homme, il ignorait qu'Allah, il croyait qu'Allah était incapable. C'est ça que tu dis, Muslim 2007? Et c'est quoi qui te fait croire que cet homme croyait qu'Allah est incapable? Je comprends pas ta réponse, sinon on l'aurait pas brûlé. Muslim 2007, cet homme il croyait qu'Allah était incapable. Si jamais Allah était incapable, pourquoi est-ce que il avait peur au point qu'il a demandé qu'on le brûle? Si Allah est incapable, il n'aurait pas été capable de le ressusciter, même s'il était pas réduit en cendres. Oui ou non? Si Allah est vraiment pas capable de faire quelque chose, il n'y a pas besoin de se réduire en cendres pour pouvoir lui échapper, même si on reste normal, un cadavre normal, ben si Allah n'est pas capable, il n'est pas capable. Abu Abdurrahman nous dit pourquoi ne pas suivre la voie des savants et prendre la version des deux sahih comme base, puis étudier les rajouts. Abu Abdurrahman, le cheikh Abdel Latif ibn Abdurrahman ibn Hassan Ali Sheikh a mentionné ce hadith dans son livre Minhaj al-Ta'sis fi al-Radi ala ibn Jarjis, et il y a mentionné que justement ce hadith est une preuve que cet homme était monothéiste et qu'il n'avait pas commis de shirk, d'accord? Donc c'est pas moi qui l'invente de ma tête, ça, d'accord? Et à partir du moment où le hadith est sahih, pourquoi est-ce que tu ne l'acceptes pas? Est-ce qu'il y a que Al-Bukhari et Muslim qui peuvent être pris comme référence? Est-ce qu'il y a que leurs hadiths qui sont sahih? Donc pour revenir à ce qu'on disait, donc cet homme en réalité il croyait qu'Allah était capable, il croyait en la puissance d'Allah, il croyait en la sifat al-Qudra, il croyait qu'Allah Azzawajal était capable. Et il croyait qu'Allah était capable de ressusciter les morts. Et c'est justement à cause de ça qu'il a eu peur et qu'il a cherché un moyen d'y échapper. Il croyait que s'il ne faisait rien pour disparaître, en fait ce qu'a cherché cet homme à disparaître, il a voulu disparaître. Cet homme a voulu devenir néant. D'accord? Il a voulu chercher un moyen de disparaître, de ne plus être rien. Pourquoi est-ce qu'il a cherché? Pourquoi est-ce qu'il a voulu faire ça? Parce qu'il savait très bien, justement, que si jamais il ne faisait rien, Allah Azzawajal allait le ressusciter. D'accord? Et qu'il allait être ramené devant Allah Azzawajal. Et cette peur, les savants ont eu plusieurs avis, comme le mentionne Al-Qadi ibn Iyad au sujet de ce hadith. Il y en a certains qui disent que cette peur, elle l'amenait à un tel état mental qu'il n'était plus conscient de ce qu'il disait. Quand il a dit ça, il a cru qu'il allait échapper à Allah parce qu'il était presque à un niveau de folie et qu'il ne savait plus ce qu'il disait. Ça, c'est l'avis de certains savants, comme le rapporte Al-Qadi ibn Iyad. Et donc, dans ce cas-là, il serait excusé par son inconscience. D'accord? Et d'autres disent que en fait il ne parlait pas de la qudra d'Allah, mais il parlait du qadar, de la destinée. Genre qu'il voulait dire, si Allah m'a destiné d'être ressuscité, alors jusqu'à la fin du puis la suite du hadith. C'est aussi l'interprétation de cette personne. Donc il croyait en la qudra d'Allah, mais qu'il l'ignorait, il a ignoré l'étendue de cette puissance. Il savait qu'Allah était capable, mais il ignorait jusqu'à quel point s'atteindre, jusqu'où va sa capacité. Et ça arrivait à certains compagnons de connaître une sifat d'Allah Azzawajal, mais d'ignorer son étendue, par exemple la science d'Allah Azzawajal. Et tous les musulmans savent qu'Allah Azzawajal sait. Mais des fois, certains compagnons, ils se posaient des questions sur l'étendue de cette science. Par exemple, une fois, Aïcha. À partir de quand vous m'entendiez? C'est quoi la dernière chose que vous avez entendue? Et donc, Aïcha, qu'Allah l'agréé, une fois, donc, elle avait demandé au prophète, est-ce que Allah connaît même les secrets qu'il y a dans nos poitrines, dans nos cœurs? Est-ce qu'Allah connaît même les secrets qu'il y a dans nos cœurs? Elle s'est donc posée une question sur la science d'Allah Azzawajal. Jusqu'où va-t-elle? Elle a donc ignoré, elle n'était pas sûre, elle ignorait, est-ce qu'Allah Azzawajal connaît même ce qu'il y a dans nos cœurs, les secrets qu'il y a dans nos cœurs. Et malgré ça, elle n'était pas mécréante, d'accord? Elle n'était pas mécréante pour avoir ignoré cette étendue, Abu Abdurrahman, c'est pas moi qui dis ça. Quand elle a posé au prophète, alayhi. Non, attends, attends, musulman, le raid pas tout de suite, je veux juste savoir. Donc, Abu Abdurrahman. Ah donc Abu Abdurrahman, d'après toi, Aïcha radiallahu anha, elle a toujours tout su. D'accord? C'est ça que tu veux dire? C'est pas interdit de dire que Aïcha radiallahu anha, des fois elle demandait des choses au prophète alayhi pour savoir quelque chose. Abu Abdurrahman, le hadith, je l'ai pas devant les yeux, je te le dis franchement, je l'ai pas devant les yeux, d'accord? Donc mais je veux bien, par contre, si tu veux, que tu me mettes le hadith devant moi, d'accord? Et je veux bien le lire. J'ai lu ce hadith, d'accord, mais après, maintenant, il faudra que je le recherche, inshallah. Là, je l'ai pas exactement sous les yeux, mais je le citais de mémoire, d'accord? Je veux bien, inshallah, promettre pour le prochain cours, inshallah, de le retrouver, de le lire, d'accord? Si jamais il y a une autre version de muslim ou autre, je ne conteste pas, d'accord? Bref, inshallah, on va poursuivre le cours et on remettra ça plus tard, d'accord? Abu Abdurrahman, poste-moi, inshallah, ce hadith en PV. En attendant, si c'est possible de lui remettre son raid comme ça, parce que je sens que c'est quand même un peu un excité qui risque d'insulter, qui m'a déjà donc traité de shit et tout ça. C'est juste pour pas envenimer la chose, d'accord? Mais qu'il me l'envoie, inshallah, en PV, d'accord? Qu'il me l'envoie en PV et puis après, dans l'hypothèse où je me suis trompé. Je me repentirai, il n'y a aucun problème. D'accord? Donc, mais pour revenir au hadith, donc cet homme, lui, il croyait donc qu'Allah était capable de ressusciter les morts. Il le croyait, il en était convaincu, au point qu'il a eu peur de ça, au point qu'il a cherché un moyen d'y échapper. D'accord? Et Le seul moyen qu'il a trouvé, c'est de se faire brûler et de que ses cendres soient répandues dans le vent. D'accord? Donc, ça nous montre aussi qu'il croyait en la résurrection. Il savait qu'Allah Azzawajal allait le ressusciter. Qu'il ressusciterait les morts, et c'est ça, donc, et c'est pour ça qu'il a donc cherché un moyen d'échapper. Donc, il croyait qu'Allah était capable et il croyait en la résurrection. Et c'est cette chose-là qui a fait qu'il a eu peur et qu'il a voulu se brûler, qu'on le brûle et qu'on le réduise en cendres. Mais cet homme ignora donc à quel point ou jusqu'où va la puissance d'Allah. D'accord? Et il pensa sans certitude que s'il était réduit en cendres éparpillées, il ne serait peut-être pas ressuscité. Et donc tout ceci nous montre que le fait d'ignorer l'étendue de la puissance d'Allah, ce n'est pas du shirk. D'accord? Ce n'est pas du shirk. Tafaddal Abu Marjana. Ce n'est pas du shirk d'ignorer l'étendue d'une sifat d'Allah Azawajal, tant qu'on croit en la racine de cette sifat, en la base de cette sifat. Tant qu'on croit, par exemple, qu'Allah est capable à la base, qu'on sait qu'Allah Azawajal est capable de créer, de donner la vie et la mort, etc., mais qu'on ignore certaines parcelles, on va dire, de la puissance, ou qu'on ne s'est pas rendu compte jusqu'où va cette puissance, et ça peut arriver qu'un musulman ne sache pas répondre face à certaines choses concernant la puissance d'Allah Azzawajal. Et je vous donne un exemple que certains Qadariya, etc., ont donné, que l'Ibn Taymiyyah a répondu. Par exemple, si quelqu'un vous demande, est-ce qu'Allah Azzawajal est capable de créer un... Est-ce que vous seriez capable de répondre à cette question? Jamais quelqu'un, par exemple, il vous demandait, et c'est arrivé, et certains salafs ont répondu après à cette question, mais c'est pour vous dire que des fois, il y a certains domaines au sujet de la puissance d'Allah qui peuvent échapper à certains musulmans. Si quelqu'un vous demandait, est-ce qu'Allah est capable de créer un Dieu plus puissant que lui? Est-ce que vous serez capable de répondre à cette question comme ça? Non, c'est sûr que cette question elle est ajib, c'est une question de Qadariya, wal'iyadu billah, d'accord? Et les salafs ils ont répondu à ça, mais c'est pour vous dire que des fois, il y a certains sujets, il y a certains sujets, ah bon, Abu Abdurrahman m'a envoyé le hadith, il est long, Inch'Allah, je le lirai après. D'accord? Oui, on cherche la protection d'Allah dans ces cas-là, mais certains donc hérétiques, certains mubtadi'a ont posé ce genre de questions, et Ibn Taymiyyah y a répondu. Et il y a dans mon site un article qui parle de ça. Et d'ailleurs, certains athées aiment bien jouer avec cette choubha. Je vais vous mettre le lien, Inch'Allah, avec la réponse à cette ambiguïté que vous pourrez lire, Inch'Allah. Je vous donne. En gros, ce qu'a dit Ibn Taymiyyah à ce sujet, c'est que le fait de parler d'un Dieu plus puissant qu'Allah ou d'un Dieu égal à Allah, c'est une chose qui, à la base, par définition, est irréelle. D'accord? Et c'est le fait de parler de quelque chose qui n'a pas de réalité en soi. C'est comme si on parlait, c'est comme si on disait, est-ce qu'Allah Azzawajal est capable de créer quelque chose qui existe et qui n'existe pas en même temps. Le fait est que une chose qui existe et qui n'existe pas en même temps, ça n'existe, ça veut rien dire. Ça n'a aucun sens à la base. C'est quelque chose qui n'a aucun sens, qui n'a aucune signification à la base. C'est la même chose, un Dieu plus puissant qu'Allah, ça n'a aucun sens parce qu'il n'y a pas quelque chose qui peut être plus puissant qu'Allah à la base. Ce n'est pas quelque chose. D'accord? Allah Azzawajal a dit Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Allah Azzawajal, sa puissance, sa capacité se rattache aux choses. Mais ces choses-là, un Dieu plus puissant qu'Allah, c'est pas quelque chose, c'est irréel, ça n'existe pas, c'est impossible en soi, c'est ce qu'on appelle mustahil bizatihi. Et on ne parle pas, quand on parle de la puissance d'Allah, cela ne concerne pas des choses irréelles. ça ne concerne pas des choses qui sont à la fois insensées, qui n'existent pas, d'accord? Qui n'existent pas, que, je veux dire pas dans le sens qui n'existent pas, mais qui sont impossibles en elles-mêmes, d'accord? Donc, c'est pour ça mais c'est pour montrer que des fois, il y a certaines choses qui font partie de la puissance d'Allah et certains sujets qu'on n'est pas forcément qu'on n'a pas forcément toujours très bien saisis. Il y a des mais l'essentiel, c'est que le musulman il croit en la puissance d'Allah à la base, c'est lui qui est capable de toutes choses, qui a créé les cieux et la terre, etc. D'accord? Après, si une personne ignore et pense ignore est-ce qu'Allah est même capable de ressusciter mes cendres, si un méchant est éparpillé, tout ça, ceci n'est pas du shirk. D'accord? Et c'est pour ça qu'Ibn Hazm a dit au sujet de ce hadith dans Al-Fisal, Fil-Milal wal-Ahwa wal-Nihal, volume 1, page 387, Fahaza insan jahila. إلى أن مات أن الله عز وجل يقدر على جمع رماده وإحيائه وقد غفر له لإقراره وخوفه وجهله. C'est-à-dire, cet homme ignora jusqu'à sa mort qu'Allah est capable de réunir ses cendres. Il n'a pas ignoré qu'Allah est capable du tout, de quoi que ce soit, mais il a cru que ça c'était uniquement de réunir ses cendres. Il n'a ignoré jusqu'à sa mort qu'Allah est capable de réunir ses cendres et de le ressusciter. Et il lui pardonna pour son aveu, sa peur et son ignorance. Et cette parole d'Ibn Hazm nous montre bien que l'ignorance de cet homme était relative à la capacité de réunir ses cendres à lui, non pas de ressusciter les morts, etc. D'accord? Et Ibn Abdelbar a dit dans At-Tamhid, volume 18, donc Ibn Abdelbar a dit dans At-Tamhid, volume 18, page 42, هذا رجل جهل بعض صفات الله عز وجل وهي القدرة فلم يعلم أن الله على ما يشاء قدير قالوا ومن جهل صفة من صفات الله عز وجل وآمن بسائر صفاته وعرفها لم يكن بجهله بعض صفات الله كافرا قالوا وإنما الكافر من عاند لا من عاند الحق لا من جهله. C'est-à-dire, cet homme ignora une partie des attributs d'Allah sans à savoir la puissance. Il ne savait pas qu'Allah était capable de ce qu'il veut. Ils dirent, donc les savants dirent, que ignorer un attribut d'Allah tout en croyant aux autres qu'il connaît n'est pas mécréant pour avoir ignoré certains attributs, car le mécréant est celui qui s'entête contre la vérité et non pas celui qui l'ignore. Donc pour en venir, donc certains égarés, donc comme on le sait tous, ils se basent sur ce hadith, cet homme qui a demandé qu'on le brûle et qu'on répartisse ses cendres. Donc certains égarés se basent sur ce hadith pour prétendre que ce hadith prouve que celui qui donne un associé à Allah par ignorance est également excusé et pardonné, sous prétexte que la mécréance et le shirk sont une seule et même chose. Or ceci est faux. Cheikh Abdel Latif ibn Abdelrahman Ali Cheikh a dit dans Minhaj al-Ta'siz, page 217, وحديث الرجل الذي أمر أهله بتحريقه كان موحدا ليس من أهل الشرك فقد ثبت من طريق أبي كامل عن حماد بن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة لم يعمل خيرا إلا التوحيد فبطل الاحتجاج به عن مسألة النزاع. C'est-à-dire, et le hadith de l'homme qui demanda à sa famille de le brûler, cet homme était monothéiste et n'avait pas commis de shirk akbar. Car il est confirmé par la voix d'Abi Kamil, d'après Hamad, d'après Thabit et d'après Abi Rafi, d'après Abu Huraira, il n'avait pas fait un seul acte de bien à part le tawhid. Donc, l'argumentation par ce hadith dans notre sujet est dès lors invalide, fin de citation. Remarque donc, ceci concerne celui qui ignore l'étendue d'un attribut d'Allah, tout comme il concerne celui qui ignore certaines lois ou certains rituels propres à ceux de Muhammad a.s. Par contre, celui qui ne sait pas qu'Allah est capable de faire quelque chose à la base, donc il croit qu'Allah est incapable de quoi que ce soit, celui-là, il n'a rien à voir avec ce hadith. Celui qui croit qu'Allah azawajal est incapable de faire quoi que ce soit, c'est un mushrik. Qui fait ressembler Allah aux statues et aux idoles. Les Jahmiyyah qui disent par exemple qu'Allah azawajal est incapable de faire quoi que ce soit, c'est un mushrik. On parle ici de celui qui croit qu'Allah Azzawajal est capable de faire de faire de ce qu'il a fait, donc de la création des cieux, de la terre, etc., mais qui ignore jusqu'à quel point va sa capacité. Il faut faire la différence entre les deux, entre celui qui ne croit pas en la sifat à la base, qui ne croit pas en la capacité, en la puissance d'Allah du tout, et entre celui qui croit en la puissance d'Allah mais qui ignore jusqu'où elle s'étend. D'accord? Celui qui ne sait pas qu'Allah est capable de quoi que ce soit, celui qui croit qu'Allah est incapable de quoi que ce soit, c'est un mouchrik. C'est pour cette raison que les salafs firent une différence entre les Jahmiyyah d'une part, les Mu'tazila et les Asha'ira. Les Jahmiyyah, eux, ils contestent tous les attributs d'Allah. Pour eux, Allah ne sait pas, Allah ne voit pas, Allah n'est pas capable, Allah ne veut pas, Allah ne parle pas, Allah n'entend pas, et Allah n'est pas vivant, etc. D'accord? Parce qu'ils contestent tout attribut, à la racine même. Pour eux, Allah ne sait pas, il n'a pas de science. Parce que sinon, c'est le faire ressembler aux créatures, etc. D'accord? Ils disent qu'Allah est incapable, ils disent qu'Allah ne parle pas, qu'Allah n'entend pas, etc. Eux, ce sont des mushrikoun, ce sont des koufars à l'unanimité des salafs. Ils ne font pas de différence entre Allah et les statues de pierre, car les statues de pierre, elles non plus, elles ne voient rien, elles ne savent rien, elles ne peuvent rien, elles ne parlent pas, elles n'entendent rien, etc. D'accord? Pour eux, ils ne font pas de différence entre Allah et les statues de pierre. Et les Jahmiyyah, ils adorent une divinité qui ne voit pas, qui n'entend pas, qui est incapable, etc. Par contre, les Mu'tazila, eux, ils disent qu'Allah sait. Ils disent qu'Allah, il sait, ils disent qu'Allah voit, ils disent qu'Allah entend, ils disent qu'Allah est capable, ils disent qu'il parle, mais ils disent qu'il sait sans science, qu'il voit sans vue, qu'il entend sans ouïe, qu'il est capable sans capacité, qu'il parle sans parole, etc. Donc eux, ils sont venus après avec une bid'a qui fait que pour eux, les sifat, elles ont... Ils disent qu'Allah sait, mais sans science, d'accord? Ils ont fait ça, leur choubra, c'est qu'ils essaient de faire ça pour... Donc les Mu'tazila, ils n'en sont pas arrivés à la conclusion des Jahmiyyah. Eux, ils n'ont pas osé dire Allah ne sait pas. Ils n'ont pas osé dire Allah n'est pas savant. Ils n'ont pas osé dire Allah n'est pas voyant. Ils n'ont pas osé dire Allah n'entend pas, etc. Ils n'ont pas osé dire ça. Mais ils ont dit il entend, donc ils confirment qu'il entend, mais sans ouïe. Et il va de soi qu'à la base, ça n'a pas de sens quand quelqu'un, ou quand ils disent il sait sans science. Il va de soi que quand quelqu'un sait quelque chose, il ne peut qu'avoir une science avec. Et si quelqu'un n'a pas de science, il ne peut être savant. Ça, c'est quelque chose qui est clair et net. Mais les Mu'tazila, ils n'ont pas vu ça comme ça à cause de leur passion, mais ils n'en sont pas arrivés à dire ce que les Jahmiyyah ont dit, c'est-à-dire eux, au moins, ils avouent quand même qu'Allah sait. Ils ne disent pas qu'Allah ne sait pas, d'accord? Donc c'est pour ça que les Mu'tazila, ils ne sont pas mécréants dès le départ. Ils ne sont mécréants qu'après Iqamat al-Hujjah, comme le faisaient les Salaf. Les Salaf ne jugeaient pas les Mu'tazila mécréants immédiatement, directement. Et puis les Asha'ira, ce sont les moins pires. Eux, ils disent qu'Allah sait, qu'Allah voit, qu'il entend, qu'il a une ouïe, qu'il a une science, qu'il est capable, qu'il parle, etc. Mais par exemple, ils disent que la parole d'Allah, par exemple, ils disent qu'Allah parle et qu'il a une parole, et que c'est une sifat d'Allah azawajal et que c'est pas créé, mais ils disent que par exemple que la parole d'Allah c'est pas que la parole d'Allah n'est pas des sons et que la parole d'Allah ce n'est pas des mots, mais que c'est comment ils disent ça, ils disent ma'na qa'imun fi zatillah, c'est-à-dire comme s'ils disaient que genre la parole d'Allah c'est quelque chose de spirituel dans l'être d'Allah azawajal, c'est quelque chose qui est esprit, qui n'est pas des mots, qui n'est pas des phrases. D'accord, ils disent que c'est une signification, que le Coran que nous récitons, c'est une expression, que c'est le récit de la parole d'Allah Azzawajal en langue arabe. Donc ils disent que les mots du Coran sont créés, mais le mot du Coran est incréé. Est-ce que vous comprenez est-ce que vous avez compris ce que la différence entre les Asha'ira et les Mu'tazila et les Jahmiya? Ce sont des Mubtadi'a, ce sont des égarés, mais ce ne sont pas des Mushrikoun. D'accord? Ils affirment les sifat d'Allah Azzawajal, mais les sifat qu'on appelle Aqliya. Ils reconnaissent les sifat Aqliya, mais ils interprètent leur nature. D'accord? Et évidemment, le Coran est la parole d'Allah et le Coran est incréé, que ce soit les mots du Coran et le sens du Coran. Ça, c'est l'avis de Ahl Sunnah wa Jama'a. Ibn Hazm a dit dans Al-Mahalla, Ibn Hazm a dit dans Al-Mahalla, volume 11, page 206, Wala khilaf fi anna imra'un fi anna imra'an law aslama wa lam ya'lam shara'i' al-islam fa'taqada ta'ala al-insani salah wa huwa lam yablughhu hukm Allah ta'ala lam yakun kafiran bila khilaf yu'taddu bihi حتى إذا قامت عليه الحجة فتمادى حينئذ بإجماع الأمة فهو كافر. C'est-à-dire, Ibn Hazm dit, il n'existe aucune divergence quant au fait que si un homme se convertit à l'islam et ne connaît pas les lois de l'islam et par conséquent croit que l'alcool est licite et que l'homme n'est pas tenu de prier et que le jugement d'Allah ne lui est pas parvenu sur ces choses-là, que le jugement d'Allah, donc que les ordres d'Allah ne lui sont pas parvenus à ce sujet, il n'est pas mécréant et il n'y a aucune divergence qui soit prise en compte à ce sujet jusqu'à ce que la preuve lui soit établie et qu'il persiste. Dès lors, et à l'unanimité de la communauté, il devient mécréant. Ibn Taymiyyah dit dans Majmu' al-Fatawa, volume 35, page 165-166, « Wala yajib an yuhkam fi kulli shakhsin » قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه مثل من قال إن الخمر أو الربا حلال لقرب عهده نشؤته ببادية بعيدة أو سمع كلاما أنكره ولم يعتقد أنه من القرآن ولا أنه من أحاديث الرسول الله عليه الصلاة والسلام كما كان بعض السلف ينكر أشياء حتى يثبت عنده أن النبي عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم قالها وكون في أشياء مثل رؤية الله وغير ذلك حتى يسألوا عن ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام ومثل الذي قال إذا أنا مت فاسحقوني وذروني في اليم لعلي أضل عن الله ونحو ذلك فإن هؤلاء لا يكفرون حتى تقوم عليهم الحجة بالرسالة كما قال تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقد عفى الله لهذه الأمة عن الخطاء والنسيان. C'est-à-dire, il n'est pas obligatoire de juger mécréant n'importe quel individu tenant de tels propos tant que ne sont pas confirmées pour son cas précis les conditions de sortie de l'islam et que les empêchements du takfir n'aient pas cessé d'exister. Par exemple, celui qui dit que l'alcool et l'usure sont licites, donc l'usure, les intérêts sont licites, à cause qu'il vient de se convertir à l'islam ou qu'il a grandi dans un désert lointain. Ou par exemple, celui qui entend une parole et la conteste en ne croyant pas qu'elle provient du Coran, du prophète, alayhi salatu wasalam. Et certains salafs contestaient certaines choses tant qu'il ne leur était pas confirmé qu'elles furent enseignées par le prophète, alayhi salatu wasalam. Et c'est comme certains compagnons qui doutèrent de certaines choses, comme la vision d'Allah le jour du jugement, jusqu'à ce qu'ils eurent confirmation de cela de la part du messager d'Allah, alayhi salatu wasalam. Et aussi comme l'homme qui avait dit moi, et jeté mes cendres dans le fleuve afin que je puisse échapper à Allah. Et les choses comme ça. Ces gens-là ne sortent pas de l'islam tant que la preuve du messager ne leur est pas présentée, comme le dit Allah, afin que les gens n'aient plus aucun argument devant Allah après l'envoi des messagers. Sourate 4, verset 165. Et Allah a pardonné à cette communauté l'erreur et l'oubli. Ibn Taymiyyah, remarquez bien ici, donc il parle de l'excuse par ignorance du fait d'ignorer certaines lois et certains rituels, l'interdiction de certaines choses. Il n'a pas parlé du shirk, d'accord ? Il n'a pas parlé du shirk, etc. du shirk et de l'adoration d'un autre Allah. Donc, la règle c'est que l'ignorance est une excuse valable pour celui qui est incapable de faire cesser cette ignorance. Car incapable d'accéder à la preuve nécessaire pour connaître le sujet qu'il ignore. Par contre, s'il est capable d'y accéder mais qu'il ne s'y intéresse pas, il n'est pas excusé. Allah Azza wa Jalla a dit « Walladhina kafaru amma unziru mu'ridun » C'est-à-dire « Et ceux qui ont mécru se dédaignent de ce qui leur a été averti. » Sourate 46, verset 3. Et Allah a dit وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ, c'est-à-dire ce Coran m'a été révélé pour que je vous avertisse par sa voix, vous et tous ceux qui l'atteindra. Surat 6, verset 19. Ibn Qudama al-Maqdisi a dit dans Al-Mughni, volume 19, page 462, ولا خلاف بين أهل العلم في كفر من تركها il parle de la prière في كفر من تركها جاحدا لوجوبها إذا كان ممن لا يجهل مثله لا يجهل مثله ذلك فإن كان ممن لا يعرف الوجوب كحديث الإسلام والناشئ بغير دار الإسلام أو ببادية بعيدة عن الأمصار وأهل العلم لم يحكم بكفره وعرف ذلك وتثبت له أدلة وجوبها فإن جحدها بعد ذلك كفر وأما إذا كان الجاحد لها ناشئا في الأمصار بين أهل العلم فإنه يكفر بمجرد جحدها وكذلك الحكم في مباني الإسلام كلها وهي الزكاة والصيام والحج لأنها مباني الإسلام وأدلة وجوبها لا تكاد تخفى إذ كان الكتاب والسنة منين بأدلتها والإجماع منعقد عليها فلا يجحدها إلا معاند للإسلام يمتنع من التزام الأحكام غير قابل لكتاب الله تعالى وسنة رسوله ولا إجماع أمته. Donc en français, ouais, Inch'Allah, si on peut enlever le raid à Niqab 1 et à... Donc, Ibn Qudam al-Mardisi, dont je connais savant, quant à la méfiance de celui qui abandonne la prière en reniant son obligation. Si une personne comme lui ne peut ignorer qu'elle est obligatoire. Par contre, si une personne telle que lui ne connaît pas l'obligation de la prière, comme celui qui vient de se convertir à l'islam, ou qui ne grandit pas dans une terre d'islam, ou qui vit dans un désert loin des contrées où se trouvent les savants, celui-là ne sera pas jugé mécréant, donc il ne sera pas banni de l'islam, il reste musulman. Il faudra d'abord lui faire connaître l'obligation de la prière et lui confirmer les preuves de son obligation. Si, après cela, il renie toujours l'obligation, là il devient mécréant. Mais si celui qui en renie l'obligation, donc il renie l'obligation de la prière et quelqu'un qui grandit dans une contrée où se trouvent les savants, là il devient mécréant dès qu'il la renie. Et il en est de même pour tous les piliers de l'islam qui sont la zakat, le jeûne et le pèlerinage, car ce sont les principes, les fondements de base, les piliers de l'islam, et les œuvres et les preuves de leur caractère obligatoire n'échappent quasiment à personne, vu que le Coran et la Sunna sont répandus ainsi que leurs preuves. Ceci fait objet de consensus. Le seul qui puisse renier l'obligation de la prière est celui qui s'entête contre l'islam et refuse de s'engager à ses lois et d'accepter le livre d'Allah, la sunna de son prophète et le consensus de la communauté. Fin de citation. Donc, ici on a appris de cette parole d'Ibn Qudama qu'il faut faire la différence entre celui qui ignore quelque chose d'élémentaire, l'obligation de la prière, si c'est quelqu'un qui vit entre les musulmans et qu'il a accès aux savants et aux ouvrages des savants, mais qu'il continue à... Mais que malgré ça, il dit je ne sais pas si la prière est obligatoire en islam ou pas, celui-là, il n'est pas excusé par l'ignorance et c'est un mécréant. Par contre, si... Oui, tu as raté une bonne partie du cours Niqab 1. Par contre, si cette personne, elle vient de se convertir à l'islam, mais que... Elle n'a pas encore eu le temps d'apprendre que la prière est obligatoire, celui-là, il ne sort pas de l'islam pour avoir ignoré cela. Ah, d'accord. Il n'y avait pas 5 prières obligatoires. Et ils ignoraient ça, ils ne le savaient pas, puisque Allah n'a pas informé à ce sujet. D'accord. Si jamais on vient de dire que ignorer l'obligation de la salat, ça consiste à ignorer le tawhid, ça voudrait dire que tous ceux qui ignoraient que la salat était obligatoire, ben, ils n'étaient pas monothéistes jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal révèle l'obligation de la salat. Et effectivement, on ne peut pas dire que oui, mais non, parce que là, Allah Azza wa Jal ne l'avait pas encore révélé, donc ce n'était pas encore du tawhid. On ne peut pas le dire, car le tawhid, comme on l'a C'est-à-dire, il est le même chez tous les prophètes. Le fondement de la religion ne change pas. C'est le même depuis tous les prophètes. Si jamais le tawhid, d'accord, si jamais le tawhid d'Allah Azzawajal ne pouvait exister qu'en ayant connaissance qu'il est obligatoire de faire 5 salats par jour, alors tous ceux, alors avant que tous ceux qui ignoraient, qui ne savaient pas qu'il y avait 5 salats obligatoires par jour, Allah Azzawajal révèle au prophète l'obligation des 5 salats lors de la nuit de l'Isra wal Mi'raj. D'accord? Donc le fait, cela prouve bien que le fait d'ignorer des lois n'est pas du shirk akbar. Et cela n'invalide pas le tawhid que d'ignorer les obligations et les interdictions, à part l'obligation du tawhid et l'interdiction du shirk. Ceci est la seule exception. Celui qui ignore l'interdiction du shirk, il n'est pas musulman, et celui qui ignore l'obligation du tawhid, lui, il n'est pas musulman, quoi qu'il en soit. Mohamed 93-94. يا الإخوان سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ما ذكرتم من قول الشيخ كل من جحد كذا وكذا وقامت عليه الحجة وأنكم شاكون في هؤلاء الطواغيت وأتباعهم هل قامت عليهم الحجة فهذا من العجب كيف تشكون في هذا وقد أوضحت أن تقوم عليه الحجة هو الذي حديث عهد بالإسلام والذي نشأ ببادية بعيدة أو يكون ذلك في مسألة خفية مثل الصرف والعطف فلا يكفر حتى يعرف وأما أصول الدين التي أوضحها الله وأحكمها في كتابه فإن حجة الله هو القرآن فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة ولكن أصل الإشكال أنكم لا تفرقوا بين قيام الحجة وبين فهم الحجة فإن أكثر الكفار والمنافقين من المسلمين لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم كما قال تعالى أم يحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا وقيام الحجة نوع وبلوغها نوع وقد قامت عليهم وفهمهم إياها نوع آخر وكفرهم ببلوغها إياهم وإن لم يفهموها. Fin de citation. Donc Mohamed ibn Abdelab ici nous a dit, donc c'est dans une lettre qu'il écrit, donc à l'attention des deux frères, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amma ba'd, la parole du cheikh, c'est-à-dire Ibn Taymiyyah, que vous avez mentionné, que quiconque renie telle ou telle chose et que la preuve lui établit, etc. Puis maintenant, que la preuve leur a été établie, ceci est très étonnant. Comment doutez-vous de ça alors que je vous ai déjà expliqué cela de nombreuses fois? Celui à qui la preuve n'a pas été établie est celui qui vient de se convertir à l'islam ou qui vit dans un désert lointain ou lorsque c'est dans un sujet complexe ou ambigu comme certains genres de sorcellerie. Entre parenthèses, il parle ici du sarf et du atf qui sont un type de sorcellerie qui consiste à faire en sorte qu'on aime une chose qu'à la base on détestait ou qu'on se mette à détester ce que à la base on aimait. Et en effet, le salf et le hatf, il échappe à certaines personnes. Il y a certaines personnes qui ne savent pas que ceci se réalise avec de la sorcellerie. Ils pensent que certains médicaments ou certaines boissons ont cette propriété, qu'Allah Azzawajal ou autre. Ils ne pensent pas que ceci ne peut exister que sur base de sihr. C'est une forme de sihr que les gens ne remarquent pas toujours. C'est pour ça que Mohamed ibn Abdullah considère que le sarf et le atf font partie des choses qui peuvent échapper à certaines personnes et où l'excuse par ignorance est acceptée. Donc, mais en ce qui concerne, donc il dit donc comme le certain genre de sorcellerie, celui-là n'est mécréant qu'après explication. Mais en ce qui concerne les fondements et les règlements de la religion qu'Allah a explicitement expliqué dans son livre, alors le Coran en lui-même en est la preuve, et celui que le Coran atteint a reçu la preuve. Mais la base même du problème, c'est que vous ne comprenez pas la différence entre l'établissement de la preuve et la compréhension de la preuve. En effet, la majorité des mécréants et des hypocrites, et les hypocrites parmi les musulmans, n'ont pas compris la preuve d'Allah, malgré qu'elle est établie contre eux, comme Allah le dit. Penses-tu que la plupart d'entre eux entendent ou comprennent, mais ils sont comme des bêtes et plus égarés encore. Sourate 25, verset 44. Donc l'établissement de la preuve est une chose, sa transmission est une chose, et elle est établie sur les mécréants. Les mécréants, la preuve est établie contre eux, mais la comprendre est autre chose. Les mécréants sont mécréants dès que la preuve leur est parvenue, même s'ils ne l'ont pas comprise. Comme Allah Azzawajal a dit, entre parenthèses, fin citation de Mohamed ibn Abdelwahab, et Allah Azzawajal, entre parenthèses, donc a dit summun, au sujet des kuffars, summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. Sourds, muets et aveugles, ils ne comprennent pas. D'accord? Donc les kuffars, la majorité des kuffars ne comprennent pas ce que veut leur prouver le Coran, ce que le Coran leur prouve. Ils n'ont pas compris ça. Mais à partir du moment où le Coran leur est parvenu, les choses qui sont élémentaires dans la religion, eh bien, celui qui a accès au Coran et qui malgré ça ne comprend pas ce que le Coran lui prouve et ne croit pas en ce qu'il indique, lorsque cela concerne des choses élémentaires de la religion, comme l'obligation des cinq salats, ou des piliers de l'islam, ou des grands péchés, etc., qui sont connus et élémentaires, eh bien, il n'y a pas d'excuse par ignorance pour cela. Par contre, lorsque c'est quelqu'un qui vient se convertir à l'islam, etc., là, l'excuse par ignorance peut être prise en compte. Et ceci, donc, ça concerne les lois élémentaires que tout musulman est censé connaître. Par contre, en ce qui concerne les thèmes plus complexes qui nécessitent une étude approfondie et un bagage scientifique, le fait, par exemple, il y a certaines règles qui sont beaucoup plus détaillées que tout musulman n'est pas apte à comprendre et à pouvoir maîtriser, d'accord ? Le fait de savoir qu'il faut faire 5 salats par jour, ce n'est pas la même chose que le fait de connaître exactement zakat, ces choses-là, ou bien comment est-ce qu'on fait pour rattraper son jeûne lorsqu'on a été malade ou des choses comme ça. Ça, c'est des choses qui sont de plus en plus complexes, d'accord ? Ce sont des choses qu'on ne peut pas comparer, qui ne sont pas élémentaires, que tout musulman n'est pas censé connaître. Ce sont des choses que tout musulman n'est pas apte à connaître. D'accord ? Donc, on ne compare pas ces choses-là à ce qui est élémentaire dans la religion. De même, le fait de il y a une différence entre le fait de savoir qu'Allah Azzawajal entend et voit, et entre le fait de savoir qu'Allah Azzawajal a deux mains droites. D'accord ? Celui qui ignore qu'Allah Azzawajal a deux mains droites, ou qui sait qu'Allah il a deux mains mais qui ne sait pas que c'est deux mains droites, ou qui pense qu'il y a une main droite et une main gauche et des choses comme ça, parce qu'il y a un hadith entre parenthèses qui n'est pas sahih, mais que certains ulama considèrent sahih, etc. C'est-à-dire il y a des choses qui sont beaucoup plus complexes et qui ne sont pas du tout élémentaires, et ce n'est pas une chose que tout musulman est censé connaître, d'accord. Et dans ce cas-là, le simple fait que le Coran soit accessible n'est pas suffisant pour établir la preuve sur quelqu'un. Au contraire, là, il y a besoin d'explications, de détails, etc. D'accord ? Donc, là, le fait de dire que le Coran, dès qu'il est accessible à quelqu'un, il n'est plus excusé par l'ignorance, ceci est vrai en ce qui concerne les lois élémentaires que tout musulman est censé connaître. Est-ce que vous avez compris ceci ? Est-ce que c'est clair ce que je viens d'expliquer là ? Par contre, les choses donc qui sont complexes et qu'il faut avoir un bagage scientifique, etc., là, l'excuse par ignorance dans ces choses-là, elle est beaucoup plus vaste et il sera nécessaire que l'individu, on lui explique les preuves, qu'elle comprenne et puis qu'elle refuse ou qu'elle s'entête, etc. Là, évidemment, à ce moment-là, là, elle devient mécréante lorsqu'il s'agit de thèmes sur lesquels il y a unanimité chez Ahl Sunnah. Mais par contre, les thèmes où il n'y a pas d'unanimité chez Ahl Sunnah, qui sont des questions où il y a eu divergence, ces choses-là, on ne devient pas mécréant pour cela, même après Iqamatul Hujja et même après avoir compris la Hujja, etc. Donc les points à retenir, c'est que l'excuse par ignorance ne concerne que les musulmans monothéistes et non pas ceux qui adorent d'autres qu'Allah et ne croient pas en son unicité. Donc celui qui adore un autre qu'Allah, celui qui adore les tombes, celui qui invoque le secours des morts, qui invoque le secours des saints, ou qui offre des sacrifices à d'autres qu'Allah Azzawajal, ou qui pratique la sorcellerie, les shayatines et tout ce qui adore les shayatines, qui prétend connaître l'invisible, ou qui se permet, ou qui se donne le droit de rendre halal le haram et haram le halal, d'ordonner, de réglementer les choses à l'encontre de ce qu'Allah Azzawajal a légiféré. Toutes ces choses-là, tout ce genre-là de personnes, et ils ne sont pas concernés par par aucun empêchement du takfir, parce que nous parlons ici, ces règles ne concernent que les musulmans. Les musulmans. Et le musulman, c'est celui qui n'adore qu'Allah uniquement et qui désavoue le tarout. D'accord ? Deuxièmement, les enseignements élémentaires de l'islam ne peuvent être connus qu'après la transmission de la preuve. Est-ce qu'il est possible à un être humain de savoir qu'Allah a ordonné 5 prières, et non pas 4 et non pas 6, Est-ce qu'il est possible à un être humain de savoir que ces cinq prières qui sont obligatoires sans avoir eu à regarder un seul dalil? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible de savoir à quelle heure est chaque salat et à quelle heure est-ce que ça finit chaque salat sans avoir regardé un seul dalil? Sans avoir eu besoin que le prophète a.s. le lui explique? C'est impossible. Pourtant, c'est quelque chose d'élémentaire. Vous êtes d'accord avec moi que c'est élémentaire qu'il y a cinq prières obligatoires par jour. Est-ce que c'est quelque chose que, en général, les musulmans ignorent? C'est quelque chose d'élémentaire. Normalement, tout musulman sait ça, c'est tellement connu. Mais comme je l'avais déjà dit dans un cours précédent, quand une chose est élémentaire, c'est relatif. C'est élémentaire à certaines personnes, mais des fois, ça peut ne pas l'être du tout à d'autres personnes. Tout dépend, et par exemple, et les cas où, par exemple, les choses ne sont pas élémentaires, c'est pour qui? Par exemple, pour celui qui vient de se convertir à l'islam, ou celui qui vit loin des savants, qui n'a jamais eu accès vraiment à la science, ou celui qui vit dans un désert lointain et tout ça, et bien pour ces trois personnes-là, les choses qui sont élémentaires en général pour tous les musulmans, ben ça n'est pas du tout pour ces gens-là. D'accord? J'ai dit quelque chose de drôle, ou bien c'est à cause d'autre chose que vous rigolez? Donc je continue, Inch'Allah. Donc l'excuse d'ignorer les choses élémentaires cesse dès que la preuve est accessible à l'individu. Donc quand quelqu'un ignore des choses élémentaires de la religion, quand quelque chose ignore quelque chose d'élémentaire de la religion, quand quelqu'un ignore le nombre, l'obligation de 5 salats par jour ou l'obligation de la zakat, etc., quand est-ce que cette ignorance, quand est-ce que cette excuse d'ignorance cesse, c'est dès que la personne est capable d'apprendre cela, mais ne le fait pas. D'accord? Dès que la personne est capable d'apprendre, mais qu'il ne le fait pas, là, il n'est plus excusé pour son ignorance, pour le fait d'ignorer les choses élémentaires de la religion. Et pour les sujets élémentaires, dès que la personne a accès à la preuve et qu'il est capable de chercher à apprendre ces choses élémentaires, il n'est plus excusé. Et ce n'est pas une condition que cet individu ait lu ou entendu la preuve à partir du moment où il a accès à cette preuve. D'accord? Une personne qui a accès à cette preuve, qui sait le lire s'il le voulait, mais qui ne s'y intéresse pas, eh bien on ne va pas dire non, il était. Mais qu'après ça, il s'entête. Le simple fait qu'il sait qu'il est capable d'apprendre ces choses élémentaires, mais que malgré ça, il ne s'y intéresse pas et que donc il ne sait pas si est-ce que la salat est obligatoire ou non, est-ce que le porc c'est interdit ou non, celui-là. Il doute donc de la parole d'Allah Azzawajal, et s'il doute de cette parole, la science lui est parvenue. Le kufr ici, ça s'appelle le kufr al-i'rad, c'est-à-dire la science lui est parvenue, mais il ne s'y est pas intéressé. D'accord? On avait dit dans la définition du kufr que le kufr n'existe qu'après la transmission de la science. La transmission de la science, ça ne veut pas dire ça ne veut pas dire que la personne elle doit avoir lu ou entendu la chose. Ça signifie qu'elle doit avoir eu accès à cette science. Dès que la science est accessible, il n'y a plus d'excuses par ignorance. D'accord? Quand ça, c'est pour les choses élémentaires. Et ce n'est pas une condition donc qu'il ait lu ou entendu cette preuve, à partir du moment où elle lui est accessible. Donc si maintenant, par exemple, on se trouve dans une région où c'est connu, le Coran, on peut l'acheter n'importe où, dans n'importe quelle librairie islamique, au coin des librairies islamiques, il y en a partout. On peut même acheter le Coran dans des librairies de mécréants, d'accord? De chrétiens et tout ça qui éditent le Coran et qui vont on peut sur Internet on a accès à tout plein de choses et puis même les juifs et les chrétiens connaissent les choses élémentaires de l'islam d'accord donc si quelqu'un maintenant aujourd'hui là il vient et on sait qu'il s'est converti depuis X temps ou bien qu'il est musulman depuis qu'il est né ou je sais pas quoi s'il vient et qu'il nous dit non moi je sais pas que la prière c'est obligatoire est-ce que lui on a besoin de lui faire est-ce qu'on a besoin de lui prouver de lui montrer la preuve avant de dire qu'il est mécréant? Donc, comme le dit Abou Marjana, non, il n'y a pas besoin. Parce que, pourquoi? Bah parce que s'il ne le sait pas, c'est franchement, c'est parce qu'il n'a pas vraiment voulu chercher à savoir, quoi. D'accord? Le type, il est musulman depuis longtemps. Le type, il est musulman depuis longtemps. Et soi-disant, et puis après, il dit, moi, je sais pas que la salade est obligatoire. Il a eu le temps, il a quand même la capacité d'apprendre ce genre de choses. S'il ignore que la salade est obligatoire, qu'il y a 5 prières par jour, c'est que le type, il veut pas savoir, il calcule pas l'islam, quoi. Ça, c'est sûr et certain. Hein, celui qui est excusé, c'est celui qui vient se convertir. Par exemple, quelqu'un, il s'est converti il y a 2 semaines, ou même pas, et qui s'est converti il y a pas longtemps à l'islam, il sait pas encore, est-ce que c'est obligatoire 5 salats, ou bien est-ce que c'est juste recommandé, est-ce que le porc c'est interdit, ou est-ce que. Et qu'il ignore ce genre de choses-là, celui-là, par contre, ben, c'est possible qu'il n'ait pas encore bien compris certains trucs, qu'il n'ait pas encore eu accès aux preuves, qu'il n'ait pas encore, par exemple, il lit le Coran, mais qu'il n'est pas encore arrivé au passage qui parle de ça, etc. Hein, et d'ailleurs, le fait de savoir qu'il y a 5 prières par jour, c'est pas écrit clairement dans le Coran. Un nouveau converti n'est pas, il ne peut connaître ça qu'après avoir interrogé des gens, et c'est possible qu'il n'a trouvé personne en qui il ait confiance, d'accord? Donc, il peut y avoir une ignorance prise en considération, même pour les choses élémentaires, chez celui qui vient de se convertir à l'islam. Donc, l'excuse d'ignorer les sujets complexes. Ensuite, ça c'était pour les sujets élémentaires. Pour les sujets complexes, donc des choses qu'on ne peut connaître qu'après avoir eu un certain bagage scientifique, ici l'excuse par ignorance est beaucoup plus vaste que pour les choses élémentaires. Donc, l'excuse d'ignorer les choses complexes ne cesse qu'après que la preuve soit présentée, expliquée, comprise, puis rejetée et refusée par l'individu. D'accord? Donc, dans les choses qui sont complexes, qui ne sont pas élémentaires, là, l'homme qui ignore ces choses-là ne devient mécréant qu'après avoir, après que la preuve lui ait été, lui soit parvenue, lui ait été expliquée par dialogue, etc., qu'il ait compris ce que signifie cette preuve, mais qu'il n'accepte pas son sens et qu'il rejette. D'accord? Oui, après que la preuve soit comprise. Il faut absolument, pour les sujets qui sont complexes, qui ne sont pas élémentaires, qui sont complexes, il faut absolument que la preuve soit comprise et que la choubra ait cessé. Et qu'il ne reste plus que le refus et l'orgueil ou le démenti. Ça, c'est en ce qui concerne les choses qui sont complexes et qu'on ne peut pas connaître sans avoir préalablement eu un certain bagage scientifique. D'accord? Par contre, les choses qui sont élémentaires, comme l'obligation des 5 salats, l'interdiction de l'alcool, l'interdiction de l'adultère, l'interdiction du mensonge, l'interdiction comment dire, du vin, l'interdiction enfin, les choses qui sont connues pour être injustes et pour être interdites, et qui sont vraiment élémentaires, que tu demandes à n'importe quel musulman dans la rue, il peut te dire que ah non, ça c'est sûr, c'est interdit et tout ça. Ça, c'est des choses élémentaires. Ça, l'excuse par ignorance, elle cesse dès que la science est accessible à la personne, et c'est pas du tout une condition qu'elle ait compris la preuve ou non. D'accord? Si jamais une personne ne comprend pas ces preuves-là, c'est qu'Allah Azzawajal a scellé son cœur et un point, c'est tout. C'est qu'Allah Azzawajal ne veut pas qu'il comprenne, comme Allah Azzawajal l'a dit, walaw alima Allahu fihim khayran, la asma'ahum. Si Allah Azzawajal connaissait en quelque chose de bien en eux, il leur aurait fait comprendre. D'accord? Donc ces choses-là, Allah Azzawajal a voilé le cœur de cette personne. Et qu'il ne veut pas que cette personne, il ne veut pas la guider pour cette personne. Voilà, donc je vais, inshallah, interrompre le cours ici. J'espère que je me suis bien exprimé, parce qu'aujourd'hui j'ai eu, je ne sais pas pourquoi, plus dur que les autres jours.